السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Avant-hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons étudié les règles relatives à l'essuyage sur les chaussons ou encore sur les chaussettes. المسح على الخفين أو الجورب أو الجوربين، l'essuyage sur les chaussons ou encore sur les chaussettes. Nous allons réviser ce point et ajouter quelques questions relatives à l'essuyage des chaussons ou des chaussettes, détailler inshallah ta'ala la description de cela, puis passer au sujet suivant qui sera Mujibat al-Rusl, ce qui rend obligatoire le grand lavage. Ce qui rend obligatoire le grand lavage. Nous avions donc cité que de par la perfection de cette législation, l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré, on y trouve la facilité. Et un des chapitres qui nous montre cela de manière évidente, c'est la permission d'essuyer sur ses chaussons, sur ses chaussettes, après les avoir enfilées, en état de purification, après les avoir enfilés en état de purification, sous certaines conditions que nous allons nous rappeler durant ce cours, Inch'Allah Ta'ala. La première chose à savoir, c'est que c'est légiféré. C'est que c'est légiféré. Et comme le dit l'imam Ibn Abdelbar, rahimahullah ta'ala, al-mas'h 'ala al-khuffayn la yunkiruhu illa mubtadi'un kharijun 'an jama'ati al-muslimin. Fa ahlu al-fiqh wal-athar la khilafa baynahum fi dhalika bil-hijazi wal-iraq wash-sham wa sa'ir al-buldan illa qauman ibtada'u fa ankaru al-mas'h 'ala al-khuffayn. Le grand savant Ibn Abdelbar, rahimahullah ta'ala, nous dit: l'essuyage sur les chaussons ne renie cela qu'un innovateur étant sorti du groupe des musulmans. Quant aux gens doués de science ou les jurisconsultes et les adeptes des textes, il n'y a aucune divergence entre eux, que ce soit fil Hijaz, que ce soit en Irak, que ce soit au Sham et dans l'ensemble des pays, dans l'ensemble des contrées, il n'y a aucune divergence entre eux. Exception faite des innovateurs qui ont rejeté le caractère légiféré de l'essuyage sur les chaussons. Donc, c'est une permission, c'est une législation en islam. En islam. Donc, il n'y a aucun doute à avoir sur cette permission. Contrairement aux Khawarij et aux autres qui ont rejeté cette tradition de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ou plutôt Jarir ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu anhu nous dit, comme le rapporte l'imam al-Bukhari et l'imam muslim: Ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam abala thumma tawadda'a wa mas'ha ala khuffayhi. J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam uriner, refaire ses ablutions, puis essuyer sur ses chaussons. Donc on voit que l'essuyage sur les chaussons est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a aucune divergence à ce sujet, comme l'a mentionné Ibn al-Mundhiri, rahimahullahu ta'ala. Nous avons ensuite mentionné quelle était la meilleure chose à faire lors des ablutions: essuyer sur ses chaussons ou les retirer pour laver ses pieds. Les savants divergeaient. On a mentionné que l'avis prépondérant chez beaucoup était de dire que ça dépend de la situation et du besoin. Ça dépend de la situation et du besoin. Ainsi, celui qui porte ses chaussons, ses chaussettes, qu'il ne les enlève pas. Qu'il essuie directement dessus. Quant à celui qui ne les porte pas, qu'il ne les mette pas juste pour essuyer dessus, si ce n'est pour un besoin. Et ça peut être mieux pour quel besoin, par exemple? Parce qu'il fait froid, alors il va choisir la facilité. Car il veut montrer cela aux musulmans et leur enseigner cette sunna. Ou encore parce qu'il est dans un endroit où il y a des innovateurs et il veut faire apparaître la sunna pour se distinguer des gens de l'innovation et se distinguer des gens du mal est un but louable en religion, est une chose louable en religion. Et particulièrement, c'est une personne sur qui on prend un exemple comme l'imam, comme l'étudiant en sciences, comme le prédicateur, comme le savant et autres. Donc il convient de propager, de faire connaître cette sunna. Barakallahu fikum. Quant aux conditions, ça c'est un point très important, quelles sont les conditions pour pouvoir essuyer sur les chaussettes, sur les chaussons? Premièrement, de les enfiler en état de purification. Au moment où la personne met ses chaussons, ses chaussettes, il faut qu'elle soit en état de purification, qu'elle ait el wudu, qu'elle ait ses ablutions. Car Al-Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu nous dit, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Et il s'est dirigé vers lui pour enlever ses chaussons. Le prophète sallam lui a dit, laisse-les car je les ai enfilés en ayant la purification, c'est-à-dire les ablutions. Puis il a essuyé dessus. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et l'imam Muslim. Par Al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc il lui faut avoir Al-Wudu au moment où il met ses chaussons, ses chaussettes, pour pouvoir essuyer dessus. Au moment où il aura perdu l'Wudu, au moment où il refera l'Wudu, il pourra le faire car il aura enfilé, après avoir fait ses ablutions, ses chaussons ou ses chaussettes. Barakallahu fikum. Et c'est pareil pour At-Tayammum. C'est pareil pour At-Tayammum. Si il est dans le cas où il a la permission de faire les ablutions sèches, il lui sera permis, après avoir mis ses chaussons ou ses chaussettes, d'essuyer dessus au moment où il refera sa purification. Cela lui sera permis. La condition suivante, ibahatuhuma, que ses chaussons, ses chaussettes soient licites. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas volés, ils n'ont pas été arrachés, ils ne sont pas de soie pour les hommes. Car dans le cas contraire, c'est un péché. Alors il ne peut pas rendre licite une facilité d'Allah par le péché. La condition suivante, taharatul ayn, que la chose soit pure en soi, qu'elle ne soit pas impure, qu'elle ne soit pas faite par exemple de peau de porc ou de chien ou d'âne, car ces bêtes-là sont najissa, sont impures. Les laver ne les rendra pas purs. Ensuite, il faut que les chaussons couvrent la plupart de la partie à laver à la base. Donc la plupart du pied. Quant à conditionner le fait que ça couvre tout le pied, certains savants disent qu'il n'y a pas de preuve claire à ce sujet. Ainsi, on peut essuyer sur des chaussons ou des chaussettes, même si elle ne monte pas jusqu'au malléole et ne couvre pas tout le pied jusqu'aux chevilles. Pouvons-nous essuyer sur des chaussons ou des chaussettes ayant des trous? Les savants disent oui, tant que la chose garde son appellation, c'est-à-dire quelques trous. Mais si c'est trop déchiré au point, on n'appellerait plus cela chausson ou chaussette. À ce moment-là, on ne peut plus essuyer dessus. Et un des points les plus importants à savoir, c'est le fait de respecter le temps. Respecter le temps qui nous a été permis. Pour le résident, c'est, ou pour le voyageur, comme a dit le prophète sallam, 3 jours et leur nuit. Et pour le résident, un jour et une nuit. À partir de quand est-ce qu'on compte? Nous comptons à partir du moment où la personne essuie une première fois après avoir perdu ses ablutions. Nous comptons après que la personne ait essuyé sur ses chaussons, ses chaussettes, après avoir perdu ses ablutions. C'est-à-dire, si il a fait al-wudu pour al-fajr à 5h30 et qu'il ne perd al-wudu que à 10h du matin et il ne refait al-wudu que à 14h pour le dhuhr, donc essuie sur ses chaussettes ou ses chaussons à 14h, ben c'est à partir de ce moment-là qu'on va compter. Il a 24 heures à partir du dhuhr, et non pas à partir du moment où il a fait le wudu, non pas à partir du moment où il a perdu le wudu, mais à partir du moment où il a refait le wudu en essuyant. Il a perdu les ablutions, il a refait le wudu, il a essuyé. Ben c'est à partir de ce moment-là qu'il nous faudra compter les 24 heures ou les 3 jours avec leur nuit. Et ce hadith est dans les recueils de l'imam Muslim. Ajouter comme condition, il faut que ce soit une impureté mineure, c'est-à-dire ce qui rend obligatoire les ablutions, et non pas une impureté majeure, ce qui rend obligatoire le grand lavage. On peut essuyer sur les chaussettes tant que nous sommes dans le domaine des impuretés mineures, c'est-à-dire les choses, dès lors qu'elles surviennent, rendent obligatoires les ablutions, al-wudu, donc le petit wudu, et non pas le grand lavage. Non pas le grand lavage. Barakallahu fikum. Dans le cas où la personne se retrouve dans une situation où le grand lavage lui est obligatoire, elle ne peut plus essuyer. Elle est obligée d'enlever cela. Comme dans le hadith de Safwan, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam leur ordonnait, alors qu'ils étaient en voyage, de ne pas enlever leurs bottines ou bien leurs chaussons durant 3 jours et leur nuit. Sauf pour celui qui était en état de janaba. Ça prouve que on peut faire le masah que pour les impuretés mineures, l'état d'impureté mineure. Et ce hadith est rapporté par An-Nasa'i wa Tirmidhi, également l'imam Ahmed. Et Cheikh Al-Albani nous dit que ce hadith est Hassan. Naam, hier j'ai dit Sahih, probablement que c'est plutôt Hassan. Ou dans un endroit il a dit Sahih, dans un autre endroit il a dit Hassan, peut-être. Wallahu a'lam. Prenons, ajoutons cette question-là. Dans le cas où la personne a fait ses ablutions, a mis ses chaussons, puis elle voyage, est-ce qu'elle va compter la permission du temps qui a été donné pour le sédent, pour le résident ou pour le voyageur? Est-ce qu'elle va opter pour le temps accordé au résident ou le temps accordé au voyageur? Car là, elle n'est pas encore en voyage. Mais au moment où elle a fait le wudu, elle n'était pas en voyage. Puis elle voyage. Cette personne-là, si elle n'a pas perdu le wudu, elle n'a pas refait le wudu, elle n'a pas essuyé, il n'y a aucun doute qu'elle va compter le temps du voyageur. Il n'y a aucun doute qu'elle va compter la permission donnée au voyageur 3 jours et 3 nuits. Du fait qu'il n'a pas encore essuyé. Donc lui, sans aucun doute, le temps qui lui sera donné, c'est le temps du voyageur, sans aucune divergence. Le deuxième cas, c'est le cas de celui qui a perdu le wudu, qui a refait le wudu et qui a essuyé. Puis il voyage. Ce moment-là, les savants ont divergé. Et l'avis qui semble prépondérant est de dire qu'il essuie le temps du voyageur. Pourquoi? Parce qu'il est en voyage. Et celui qui est en voyage a l'autorisation d'utiliser les permissions du voyageur. Passons maintenant à un point très important, sifatul masah. Comment faire le masah al-khufayn ou al-jawarabayn? Comment essuyer sur ses chaussons ou sur ses chaussettes? Les mains mouillées, il passe avec le bout de ses doigts sur la partie supérieure des chaussons, des chaussettes, en les essuyant, donc des doigts de pied, et en remontant jusqu'à la cheville. Elle ne remonte pas jusqu'au tibia et au genou ainsi de suite. Non. Mais elle ne fait que le pied jusqu'à la cheville. C'est-à-dire qu'elle essuie du bas vers le haut la partie qu'elle aurait lavée à la base. Sur la partie qu'elle aurait lavée à la base. Et elle essuie uniquement la partie visible. Non pas sous les pieds, mais au-dessus des pieds. Il ne lui est pas légiféré. Et ça n'est pas valable d'essuyer sous les pieds seulement. Et il est recommandé d'essuyer le pied droit ou bien chausson droit avec la main droite et le gauche avec la main gauche. Et le gauche avec la main gauche. Et s'il le fait, s'il essuie ensemble, au même moment, le pied droit et le pied gauche, certains savants disent c'est la sunna. Pourquoi? Parce que dans le hadith de Al-Mughira, radiyallahu an, il nous dit qu'il les a essuyés. Donc on comprend qu'il a essuyé les deux en même temps. On comprend qu'il a essuyé les deux en même temps. D'autres savants disent que cela n'est pas apparent. Ainsi, on peut dire que la sunna est de commencer par le pied droit. On essuie le pied droit, puis le pied gauche. Quoi qu'il en soit, les deux, c'est valable. Quoi qu'il en soit, les deux, c'est valable. Barakallahu fikum. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, quatrième calife de l'islam, nous dit, et l'époux de la fille du prophète, alayhi salatu wa salam, Fatima, le père de ses petits-enfants, al-Hassan al-Hussein, afin qu'on le connaisse un minimum, celui qui a été annoncé au paradis, le quatrième meilleur des hommes, après les prophètes et messagers, alayhim as-salam, nous dit, « لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى بمسح أعلى وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. » L'imam Abu Daoud, rahimahullahu ta'ala, nous mentionne le hadith de Ali, qui nous dit que si la religion avait été, avec le simple raisonnement, l'essuyage sous les chaussons aurait été plus à même d'être appliqué que l'essuyage au-dessus, yani sur les chaussons, la partie apparente. Mais assurément, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyer sur la partie apparente de ses chaussons. Et l'imam du hadith de cette époque, Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, nous dit que ce hadith est authentique. Et l'imam des musulmans de cette époque, Sheikh al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala, nous dit que ce hadith est authentique. Le point suivant, quelles sont les choses qui annulent l'essuyage sur les chaussons ou la permission de le faire? Premièrement, tout ce qui rend obligatoire le grand lavage. Tout ce qui rend obligatoire le grand lavage. C'est-à-dire, al-rusl, al-irtisal. Si la personne est en état de janaba, ou si la personne a l'apparition des seins menstrues, ou si les parties intimes de l'homme et la femme se sont rencontrées au point où l'homme ne voit plus le bout de sa partie, tous ces gens-là sont donc en état de janaba et la femme est en état de menstrue. Ces gens-là ne peuvent plus faire le mas' al-khufayn, ils doivent faire le grand lavage, et par conséquent, enlever leurs chaussons ou leurs chaussettes. Car dans le hadith de Safwan, le prophète alayhi salat wa salam leur permettait cela, sauf lorsqu'ils étaient en état de janaba, c'est-à-dire sauf pour ceux qui rendaient obligatoire le grand lavage. Le deuxième point, et c'est une question sujette à divergence chez les savants, c'est naz' al-khuffayn ou ahadihima, le fait de retirer ses chaussons ou ses chaussettes après avoir fait l'essuyage, après avoir perdu le wudu, ou même enlever un des deux. Un des deux chaussons, une des deux chaussettes. Les savants nous disent que celui qui a fait le wudu, puis les a enfilés, plus tard les enlève sans avoir perdu le wudu, ce dernier ne perd pas ses ablutions. Ce dernier ne perd pas ses ablutions. Qu'il les enlève, qu'il les remette, tant qu'il n'a pas perdu le wudu, ça ne change rien. Le deuxième cas est le cas de celui qui a fait el wudu, il a fait ses ablutions, il a enfilé ses chaussons, ses chaussettes, puis plus tard a perdu le wudu. Il a refait le wudu et a essuyé dessus. Par la suite, il les enlève. C'est là où il y a cette divergence. Il enlève ses chaussons après avoir essuyé dessus en refaisant le wudu après avoir perdu les ablutions. Est-ce qu'il perd ses ablutions ou non? Est-ce qu'il perd ses ablutions ou non? Beaucoup de savants nous disent que ce dernier, en faisant cela, n'a plus el wudu. Il n'a plus el wudu. Il n'a plus el wudu. Celui qui fait le wudu, qui met ses chaussons par la suite ou ses chaussettes, n'est-ce pas qu'il lui est permis d'essuyer? Plus tard, il perd el wudu. En refaisant le wudu, il essuie. S'il les enlève, est-ce qu'il garde el wudu ou pas? C'est ça la question. Beaucoup de savants disent qu'il perd el wudu. Il perd el wudu. Donc, il lui faudra laver ses pieds. Il lui faudra laver ses pieds. Et dans le cas où il refait el wudu et remet ses chaussettes, il ne pourra pas essuyer dessus. Il ne pourra pas essuyer dessus. Le troisième cas est le cas de celui qui a fait le wudu, puis a perdu le wudu. Donc il a fait le wudu, il a mis ses chaussons, ses chaussettes. Plus tard, il perd ses ablutions. Plus tard, il perd ses ablutions. Il les refait et essuie. Puis il perd el wudu à nouveau. Par la suite, il enlève ses chaussons. Dans ce cas-là, il n'y a aucune divergence qu'il n'a pas el wudu et qu'il est obligé de refaire el wudu pour prier et de laver ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il a perdu ses ablutions avant d'enlever ses chaussons. Il a perdu ses ablutions avant d'enlever ses chaussons. La grande question à divergence est la seconde. Ay man mas'a 'ala al-khuff ou 'ala al-khuffayn بعد حدث ثم نزعها. Celui qui essuie sur ses chaussons après avoir perdu le wudu puis les enlève. Donc il avait le wudu, il a mis ses chaussettes, il a perdu le wudu, il a refait son wudu, il a essuyé. Mais par la suite, il enlève ses chaussettes. Est-ce qu'il perd el wudu ou pas? La plupart des savants disent que ses ablutions sont annulées. La purification des pieds nus, c'est le lavage. Et la purification des pieds couverts, c'est l'essuyage. Là, ses pieds sont découverts. Donc, il n'est pas en état de purification. Et il ne peut purifier qu'avec le lavage. Et on ne peut pas dire que cette situation ressemble à celui qui a fait ses ablutions, a essuyé sur sa tête, puis s'est rasé la tête. Ils disent que, n'est-ce pas qu'il ne perd pas le wudu en rasant sa tête? Ben c'est pareil, il ne perd pas le wudu en enlevant ses chaussettes. Cette analogie n'est pas correcte, car il y a une différence. Même deux différences au minimum. La première, c'est que la base sur la tête, c'est d'avoir des cheveux. Alors que la base des pieds, c'est qu'ils soient déchaussés. La base sur la tête, c'est d'avoir des cheveux. Et de temps à autre, on se rase la tête. Donc le rasage des cheveux, c'est une chose passagère, occasionnelle. Quant aux pieds, la base, c'est qu'ils soient déchaussés. Et occasionnellement, on les chausse. Donc, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. On peut même dire que de raser la tête après avoir essuyé dessus ressemble plutôt à mettre des chaussons après avoir lavé ses pieds et non pas après les avoir enlevés. Voici pour ce point-là. Une autre question en relation avec l'essuyage, pour finir sur l'essuyage des chaussons. Lorsque les 24 heures sont passées, est-ce que ça annule les ablutions de la personne ou bien il lui faut commettre un autre annulatif? Est-ce qu'automatiquement, une fois les 24 heures passées, la personne perd ses ablutions? Ou bien elle garde les ablutions, mais elle ne peut plus refaire l'essuyage seulement? Vu que nous avons cité que l'avis prépondérant est de dire qu'en les enlevant, il perd el wudu, la plupart des savants disent que si le temps est écoulé, il perd ses ablutions. Et il revient à la base. Et c'est ce vers quoi penchait l'imam de notre époque, Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. D'autres parmi les savants, et c'est une divergence connue et reconnue, disent qu'il ne perd pas ses ablutions parce qu'une chose qui s'obtient avec des textes religieux ne peut se perdre qu'avec des textes religieux. Une chose qui s'obtient avec des textes religieux ne se perd qu'avec des textes religieux. Nous avons la certitude qu'il a eu la purification en essuyant dessus. Une fois le temps passé, ils disent qu'il n'y a pas de texte explicite prouvant que la personne perd ses ablutions. Et ceci était l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Et le grand faqih de l'époque, le grand imam, Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et le grand savant également, Cheikh al-Albani, rahimahullah. Et la sécurité dans ce genre de questions, la sécurité, est de préserver son adoration. Préserver son adoration en considérant qu'il faille commencer el wudu en lavant les pieds. Lorsqu'il y a une divergence et que c'est une question à yani c'est une mas'ala ijtihadiyya, c'est l'effort de réflexion des savants, le mieux la précaution c'est de prendre des précautions. Ainsi en lavant les pieds, en refaisant le wudu, nous avons la certitude. En refaisant le wudu, nous avons la certitude d'avoir le wudu et que la salat sera valable inshallah ta'ala. Donc, le mieux est de choisir la sécurité. Barakallahu fikum. Passons maintenant au cas des malades. Certaines personnes malades ne savent pas comment faire les ablutions, comment faire pour prier. Donc, c'est un point important qui concerne beaucoup de nos frères et sœurs, nos pères et mères, qui sont éprouvés par la maladie, par un handicap ou autre. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder et la guérison et l'énorme récompense des endurants. L'énorme récompense des endurants. et on nous leur annonçons la bonne nouvelle. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Nous rétribuerons les endurants d'une récompense sans compter. Nous leur annonçons la bonne nouvelle du prophète alayhi salat wa salam, c'est que dans toute peine, toute douleur, toute affliction, Allah vous pardonne de vos péchés. Nous annonçons la bonne nouvelle du prophète alayhi salat wa salam, que le jour de la résurrection, lorsque les gens qui étaient saints verront ceux qui étaient malades et la récompense qu'Allah leur donnera, ils auraient espéré dans ce bas monde qu'on découpe leur peau avec des scies, devant la grandeur de la récompense qui sera donnée aux malades. Les gens en bonne santé auraient espéré dans ce bas monde être découpés par, avec des scies. Subhanallah. Fasabirun jamil. Puisse Allah Azza wa Jal leur accorder le meilleur. Ceci étant dit, comment va faire sa purification celui qui a un plâtre, celui qui a un bandage, celui qui a une attelle, celui qui a un pansement et toute autre chose qui vient couvrir la partie à laver, la partie à essuyer de manière obligatoire? Cette question chez les savants du fiqh est appelée al-mashu al-jabira, ou dans les chapitres al-mashu al-ha'il, l'essuyage sur le plâtre ou l'essuyage sur ce qui empêche l'accès à la peau. Donc tout ce qui couvre la partie à laver de manière obligatoire ou à essuyer à cause de la maladie entre dans ce chapitre-là. Que ce soit pour l'état d'impureté mineure, ce qui rend obligatoire les ablutions, ou que ce soit pour l'état d'impureté majeure, ce qui rend obligatoire al-ghusl, le grand lavage. Le grand lavage. La règle est fattakullaha mastata'tum. Comme Allah nous le dit dans le Coran, craignez Allah autant que possible. Et comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Ce que je vous ordonne, accomplissez-le autant que possible. Ainsi, si la personne a un plâtre, une protection ou quelque chose, un pansement, un bandage, la première chose, c'est de demander est-ce qu'elle en a besoin. Si elle n'en a pas besoin, et que c'est de l'excès de zèle, si elle n'en a pas besoin, alors on lui dit de l'enlever pour pouvoir laver le bras, par exemple. Elle est dans l'obligation de l'enlever. Le deuxième cas, c'est la personne qui en a besoin. Et cette protection s'étend jusqu'à l'endroit nécessaire. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'il va faire sa purification? Nous lui disons de laver tout ce qu'il peut laver. Et arrivé à l'endroit qu'il ne peut pas laver, il s'essuie les mains, il fait tayammum, et il poursuit son wudu. Ça, c'est une façon de faire. Donc dans ce cas-là, il faudra avoir une serviette pour s'essuyer les mains, et il faudra avoir de quoi faire un tayammum, de la terre, ou bien du sable, ou une pierre. Donc, si la personne a un souci, on va supposer qu'elle a un souci à l'avant-bras droit. Elle va commencer son wudu. Après avoir fait le visage, elle va faire la main droite, mais elle ne peut pas faire l'avant-bras droit et le coude. C'est à ce moment-là qu'elle va s'essuyer les mains. Elle va taper de ses mains cette surface pure, la terre ou le sable par exemple. Elle va essuyer son visage. Elle va essuyer le dos de sa main droite, puis le dos de sa main gauche. Puis elle va poursuivre son wudu sur sa main gauche, son bras gauche, son coude gauche, jusqu'à la fin de l'autre. Non. Donc voici comment est-ce qu'il faut faire. Certains savants disent que dans ce cas-là, il peut essuyer sur le plâtre. Il peut essuyer sur le plâtre. Et cela revient à la divergence, est-ce que le hadith est avéré authentique ou non. Le troisième cas est le cas de celui qui a besoin du plâtre ou de la telle ou autre. Il ne peut pas l'enlever, mais il y a de l'exagération dans cela du fait qu'il s'étend trop longuement sur le corps, sans nécessité. Dans ce moment-là, à ce moment-là, on lui dit d'enlever ce qu'il y a en trop sans nécessité. S'il le peut, il lui est obligatoire de le faire. Comme un bandage qui nécessite d'être autour du, par exemple, du biceps, du coude et un minimum de l'avant-bras pour le faire tenir, et lui le met jusqu'au bout des doigts. On lui dit non. À ce moment-là, il faut découvrir la main, une partie de l'avant-bras, car ça n'est pas nécessaire pour qu'il tienne. Donc s'il peut enlever, on lui dit d'enlever. S'il ne peut pas, ça revient comme dans le cas mentionné, il va faire at-tayammum, arriver à cet endroit-là. Il va faire at-tayammum, arriver à cet endroit-là. Voici pour la purification de celui qui est malade. Il lave, il fait ce qu'il peut, et pour ce qu'il ne peut pas, il fait tayammum. Pour ce qu'il ne peut pas, il fait et tayammum. Si la personne, malgré qu'elle est malade, peut laver, on lui dit de laver. On aura recours au tayammum qu'au moment où on ne pourra pas laver. Qu'au moment, on ne pourra pas laver. Pourquoi on ne peut pas laver? Parce qu'il est malade, parce qu'il y a une brûlure, parce qu'il y a une plaie. Et le médecin nous dit qu'il ne faut pas appliquer l'eau dessus. Parce que ça aggrave la maladie, parce que ça retarde la guérison, parce que ça lui est douloureux, parce que. Non. Dans le cas où la personne n'a pas un plâtre, n'a pas de bandage, n'a pas de pansement, mais elle a une brûlure, elle a une ouverture. Et on lui a appliqué une pommade, on lui a appliqué quelque chose, et le médecin dit qu'il ne faut pas mettre de l'eau. Comment fera-t-il dans ce cas-là? Dans ce cas-là, il fera exactement comme pour le plâtre. Arrivé à l'endroit de la blessure, il fera et tayammum. Il ne peut pas le laver parce que ça va lui nuire. Donc, arrivé à cet endroit-là, il fera et tayammum. Il fera et tayammum. Barakallahu fikum. Voici pour ce chapitre du fiqh. Passons maintenant à un autre chapitre. Ma yujibul rusl wa sifatuhu. Ay mujibatul rusl wa sifatuhu. Quelles sont les choses qui rendent obligatoire à l'homme ou à la femme de faire le grand lavage, ce qu'on appelle el rousl l'irtisal? La première chose, qu'est-ce que le rousl? Le rousl, c'est tout simplement le fait de se laver de la tête aux pieds, avec l'intention de sortir de l'état d'impureté. C'est se laver de la tête aux pieds, avec l'intention de sortir de l'état d'impureté majeure. Plusieurs choses amènent l'individu à se retrouver dans cet état. La première, c'est al-janaba. La première, c'est al-janaba. C'est le fait d'être en état de pollution majeure, comme ils disent. Qu'est-ce que al-janaba? C'est inzalul mani biwat'in aw ghayri. Al-janaba, comme l'a dit Ibn Sa'di, rahimahullah, c'est l'éjaculation de sperme due à un rapport sexuel ou autre chose. Due à un rapport ou autre chose. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit innamal ma min al ma. Innamal ma ou min al ma. Certes, celui qui yani, certes, l'obligation de l'eau vient avec l'eau. C'est-à-dire, celui dont le liquide sort se doit de faire le grand lavage. De quel liquide s'agit-il? L'homme, tout comme la femme, ont plusieurs liquides, comme les textes nous l'enseignent, et comme l'enseignait le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a, parmi ces liquides, al-mani. Al-mani signifie le sperme. Le prophète alayhi salatu wassalam a informé que l'homme en a et que la femme en a. Karamakumullah. Il a décrit, lorsque la femme lui l'a questionné, est-ce que la femme doit faire le grand lavage si elle fait un rêve érotique? Le prophète sallam lui a dit oui, si elle voit le liquide, c'est-à-dire le sperme. Alors, Umm Salama, radiallahu anha ou une autre, des épouses du prophète alayhi salatu wassalam, a été gênée et a mis sa main sur son visage et a dit Subhanallah, yani, est-ce que les femmes ont cela? Et dans l'autre hadith, Fadhahti Nisa, tu as dévoilé les femmes. Yani, ce n'est pas une chose connue chez la femme. Le prophète a dit bien sûr, celui de l'homme est blanc et épais, celui de la femme est jaune et il n'est pas épais. Asfar Raqiq. Donc, il faut savoir que l'homme a de ce liquide et la femme a de ce liquide. Ça n'est pas pour tout liquide qui sort qu'il y a le grand lavage. Le liquide qui sort coupe les ablutions. Le liquide qui sort rend obligatoire le fait de faire el wudu. Mais ça n'est pas tout liquide qui sort qui rend obligatoire le fait de faire les grands lavages. C'est pour ça qu'il faut distinguer entre ces différents liquides. Le premier s'appelle el mani, le sperme. Il est blanc, il est... Mada, il n'est pas. Yani, il sort avec éjaculation et la personne ressent un plaisir. Si ces trois conditions sont réunies, ay khurujul mani, dafqan bishahwa, si ces trois conditions sont réunies, la personne est en état de janaba et se voit dans l'obligation de faire le grand lavage. Se voit dans l'obligation de faire le grand lavage. La preuve de cela, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Suratu Al-Ma'ida, Wa in kuntum junuban fattahharu. Et si vous êtes en état de janaba, faites le grand lavage. Faites le grand lavage. Yani, purifiez-vous, c'est-à-dire en vous lavant. Donc, un point important. La plupart du temps, lors de la sortie de ce liquide-là, il faudra faire le rousse, mais pas tout le temps. Quelles sont les conditions? Il y en a trois. Premièrement, c'est qu'il sorte. Si la personne ressent en son intérieur un mouvement et un désir ou un plaisir, mais que rien n'est sorti, cette personne-là n'est pas en état de janab. Cette personne-là n'est pas en état d'impureté majeure. Deuxièmement, si la personne à la sortie de ce liquide-là, mais ça n'est pas dû au plaisir, ça n'est pas dû au désir, donc ça ne sort pas avec éjaculation, avec force, mais ça coule, ça sort. Pourquoi? Pour cause de maladie, par exemple. Pour cause de maladie. Pourquoi? À cause du froid, par exemple. Pourquoi? À cause de la constipation. Pourquoi? Parce qu'il a porté une charge lourde. Et d'autres causes encore que mentionnent les savants. Donc, tant que la cause n'est pas le désir, le plaisir, cette personne-là n'est pas en état de janab. Et à ce moment-là, on dira que ce qui est sorti, c'est le wadi, et ça n'est pas el mani. Et ça rend obligatoire al-istinja, le fait de nettoyer la partie avec de l'eau, ça rend obligatoire de refaire al-wudu pour prier, mais ça ne rend pas obligatoire le grand lavage. Il n'y a pas de grand lavage à faire dans ce cas-là. Et ça, c'est une facilité dans notre religion. À titre d'exemple, une personne qui a commercé avec son épouse, puis elle s'est lavée. Après s'être lavée, une minute plus tard, elle sent un liquide qui coule. Elle vérifie, elle voit ce liquide-là. Est-ce qu'on va dire qu'elle va refaire le roussel? Non. Dans ce cas-là, elle a simplement perdu le wudu. Elle doit nettoyer avec de l'eau sa partie. Naam. Elle nettoie le vêtement, bien que ce liquide ne soit pas impur. Et elle refait el wudu. Elle refait el wudu. Mais elle n'a pas de roussel à refaire ici. Elle n'a pas de roussel à refaire ici. Donc on fait attention à ces trois conditions-là. Le fait que ça sorte, le fait que ce soit une éjaculation, c'est-à-dire que ça sort avec force ou vigueur, et troisièmement, le fait que ce soit avec plaisir. S'il n'y a pas ces conditions-là, il n'y a pas l'état d'impureté majeur. Et on appellera ça el-wadi et non pas el-mani. La personne peut se retrouver en état de janaba également sans rapport à proprement dit, mais lors de préliminaires avec l'épouse ou lorsqu'il répète un regard. Il regarde à plusieurs reprises ou écoute des choses qui lui suscitent un désir ou encore la masturbation. Dans tous ces cas-là, si son liquide sort, alors il est en état de janaba. Si son liquide sort, alors il est en état de janaba. Il y a une seule exception où il n'y aura pas la réunion des trois conditions. C'est le cas de celui dont le liquide sort durant le sommeil. Lui, on ne va pas conditionner le plaisir car il n'a pas la raison à ce moment-là. Il est endormi. Donc, lui, la condition sera la vision du liquide. S'il voit que son vêtement est souillé ou que son drap est souillé, il devra faire le roussel. Et dans le cas où il ne voit pas cela, il n'aura pas à refaire le roussel. Il n'aura pas à refaire le roussel. Le point suivant qui rend la personne en état de janaba, c'est iltiqa ou ilkhitanayn. C'est la rencontre entre la partie intime de l'homme et de la femme lorsqu'il y a maada, lorsque l'homme entre en la femme à hauteur de la circoncision. À hauteur de la circoncision. S'il entre en la femme à hauteur de la circoncision, les deux sont en état de janaba. Les deux sont en état de janaba. Car on nous enseigne que lorsque les deux extrémités se rencontrent, à hauteur de la partie de la circoncision, le rousse devient obligatoire. Et dans le hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام dit: "Dajalasa bayna shu'abiha al-arba'a, thumma jahadaha faqad wajab al-ghusl." Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit: si l'homme se met entre les quatre membres de la femme, puis commerce avec elle, alors le roussel devient obligatoire. Le grand lavage devient obligatoire. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce soit un rapport achevé ou inachevé, c'est-à-dire qu'il finisse ou qu'il ne finisse pas, qu'il éjacule ou non, c'est la même chose. À partir du moment où il y a la rencontre, et Ibn Athaymin dit, il convient d'enseigner cela aux musulmans, il convient de les éclairer sur cela parce que beaucoup pensent que l'état d'impureté majeure n'a lieu que lorsque la personne finit le rapport en éjaculant. Il dit, c'est une erreur. Il faut enseigner cela aux musulmans. Donc, la simple rencontre de la partie de l'homme avec la partie de la femme, à partir du moment où il entre à hauteur de la circoncision, mais non seulement l'homme, mais également la femme en état de janaba, le rousl leur devient obligatoire. La cause suivante, khuruj dam il hayd aw in nifas, la sortie du sang des menstrues ou des loches. Ceci rend obligatoire le roussel. Ceci rend obligatoire le rusl. Car dans Suratu Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ » Et il t'interroge sur la menstruation des femmes, sur les règles des femmes. « قُلْ هُوَ أَذَنْ فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ » dit « c'est une nuisance, éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. » C'est-à-dire n'ayez pas de rapport avec elles par la partie. « وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » Puis on nous dit « et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles se purifient, jusqu'à ce qu'elles soient pures. » C'est-à-dire n'ayez pas de rapport sexuel avec elles tant que leurs menstrues ne se sont pas interrompues. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Quand elles se sont purifiées, c'est-à-dire lorsqu'elles ont fait le grand lavage. Ibn Sa'di nous dit Ay, إِذَا اغْتَسَلْنَا. C'est-à-dire lorsqu'elles se lavent, lorsqu'elles font le grand lavage. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا avec la shadda. Quand elles se sont purifiées, c'est-à-dire quand elles se sont lavées. Alors, cohabiter avec elles en suivant les prescriptions d'Allah. Yani, ayez des rapports avec elles selon ce qu'Allah vous a commandé. Certes, Allah aime ceux qui se repentent beaucoup et ceux qui se purifient beaucoup. Donc, de ce verset, les savants ont tiré l'obligation pour la femme qui voit l'arrêt des menstrues, l'interruption des menstrues ou des lochis, de faire le grand lavage. De faire le grand lavage. Qu'est-ce qui marque l'interruption des menstrues? Et cela fera l'objet d'un cours prochain, inshallah ta'ala. Un de deux signes marque l'interruption des menstrues. Le premier, al-jafaf al-tam. Les savants disent la sécheresse complète. C'est-à-dire que si la femme prend un coton, le rentre, en le ressortant, il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de sang. Il ressort blanc. Et le deuxième signe, c'est un liquide, si on peut dire visqueux ou blanchâtre, qu'observent certaines femmes, pas toutes. Et cela marque l'interruption des menstrues. Elles ont toujours cela. Elles ont toujours cela. Cette matière blanchâtre. Donc, que ce soit ceci ou cela, ça marque l'interruption des menstrues. La femme a l'obligation par la suite de se laver. Ça entre dans Moudibat ou le Rusl. Le point suivant, c'est Maut Ghayr al-Shahid. C'est lorsque le musulman décède. Lorsque le musulman de base décède, le prophète alayhi wa sallam nous a ordonné de les laver. Donc ça, c'est une obligation non pas qui incombe aux morts, mais aux proches du mort. Aux musulmans de manière générale. C'est une obligation collective. Et dans le recueil de l'imam Ahmad, Abu Daoud et Tirmidhi, Charabani nous dit que ce hadith est sahih. Le prophète sallam a ordonné de laver le mort. Donc, si la personne décède, les musulmans doivent le laver. Et beaucoup questionnent en cette période d'épidémie, comment faire si on ne veut pas laver le mort? Les savants disent, « Fattakullaha mastata'atum, fattakullaha mastata'atum. » C'est la règle dans la religion. Craignez Allah autant que possible. Si vous ne pouvez pas les laver, alors il faut leur faire tayammum. Il faut leur faire tayammum. Mais si on ne peut pas faire tayammum, à ce moment-là, on ne fait ni l'un ni l'autre. On ne fait ni l'un ni l'autre. Quoi qu'il en soit, il faut prendre les précautions nécessaires, les prédispositions nécessaires, et ne pas se mettre en danger. Donc il faut laver le mort, et l'obligation porte bien sûr sur celui qui est vivant. Quant au fait de laver, quant au fait, le hadith que j'ai mentionné, ça n'est pas le, dont les sources, les sources que je viens de mentionner, ça n'est pas pour le lavage du mort, mais c'est plutôt l'obligation qui incombe au laveur. Certains savants disent que celui qui lave un mort, lui a l'obligation de faire le rousse, le vivant. Mais les textes, dans cela, s'ils sont authentiques, ne montrent pas que c'est une obligation, mais plutôt recommandée. Dans le cas où ça n'a pas le sens de l'wudu, comme certains savants disent. Certains savants disent également, celui qui se convertit à l'islam, il fait le rousse. Mais c'est également recommandé. Barakallahu fikum. Pour finir, la description du rousl. Comment faire le lavage? Dans le lavage, il y a deux niveaux. Il y a la perfection du lavage et il y a le minimum obligatoire. Celui qui veut faire le minimum obligatoire, qui fait qu'il sort de l'état d'impureté majeure, qui fait qu'il n'a pas besoin de recommencer l'ordre, c'est très simple. Ta'mimul badani bilma ma'aniyya. Le fait de se laver l'entièreté du corps, de la tête aux pieds, avec l'intention de sortir de l'état d'impureté, tout simplement. Donc de la tête aux pieds, ça comprend le visage, la bouche, le nez, et ainsi de suite, de la tête aux pieds, au sens propre. Ainsi, si la personne saute dans un lac avec cette intention et en ressort, ou elle prend un seau d'eau et se le verse sur elle, et toute cause qui lui permet de laver l'entièreté du corps de la tête aux pieds, cette personne sort de l'état de Janaba. Elle sort de l'état de Janaba. Naam. Maintenant, si on cherche l'excellence et à faire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus à faire. Et les épouses du prophète alayhi salatu wa sallam, comme Maymouna radiallahu anha, nous ont décrit en détail le grand lavage du prophète alayhi salatu wa sallam. Comme on trouve cela dans le recueil de l'imam Bukhari, le recueil de l'imam Muslim. Donc celui qui veut faire le rousl complet, exactement comme le prophète alayhi salatu wa sallam le faisait, premièrement, il lavait sa partie intime avec la main gauche. Deuxièmement, il faisait al-wudu complet. Et par moments, il laissait les pieds à la fin du rousl. Donc soit tu fais les pieds en faisant le wudu, soit tu fais le wudu sauf les pieds, que tu laisseras à la fin. Troisièmement, après avoir lavé partie intime, après avoir essuyé les mains, ou bien lavé les mains, après avoir fait le wudu, troisièmement, tu prends de l'eau, et tu mets cela sur la tête. Tu mets cela sur ta tête. Et tu fais cela à trois reprises. Dans le rousl, la seule chose qui... où on va faire trois fois, c'est le fait de laver la tête. On prend de l'eau une première fois, on met sur la tête, on frictionne un peu et on fait cela trois fois. On fait cela trois fois en faisant bien pénétrer l'eau au cuir chevelu, à la tête. Quatrièmement, quand il a fini cela, il fait descendre l'eau sur l'entièreté de son corps. Et la sunna, c'est de commencer par la droite. La sunna, c'est de commencer par la droite. Et s'il n'a pas fait ses pieds durant al-wudu, il fera ses pieds à la fin. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, se décalait. Il se décalait de son lieu de lavage et il faisait ses pieds alors. Il faisait ses pieds, comme dans le hadith de Maymouna radiallahu anha, l'épouse du prophète, alayhi salatu wa salam. Il faudra bien faire attention. Certaines personnes, en surpoids par exemple, peuvent omettre de faire passer l'eau dans certains endroits. Et d'autres personnes qui ne sont pas en surpoids peuvent omettre également. Donc il faut bien faire attention entre les doigts. Il faut bien faire attention les genoux et derrière les genoux, entre les doigts de pied, le nombril. Il se peut que la personne ait des plis au ventre. Elle fera également attention. Les aisselles. Donc elle fait bien attention à ce point-là. Elle fait bien attention à ce point-là. Voici pour donc al-mas' al-khuffayn et ce qui rend obligatoire le grand lavage et comment faire le grand lavage. Durant le grand lavage, beaucoup se demandent est-ce qu'on peut utiliser du shampoing? Est-ce qu'on peut utiliser du savon? Est-ce qu'on peut se frotter avec un gant ou autre? La réponse à tout cela est oui. La réponse à tout cela est oui. Et on fait bien attention à ne pas gaspiller l'eau, à ne pas laisser couler l'eau de manière démesurée et non nécessaire. Allah nous dit dans le Coran, Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Allah Azzawajal nous dit que les gaspilleurs sont, yani, ont une ressemblance avec les diables. Ce sont les frères des diables ou une ressemblance avec les diables. Donc il faut faire attention. Barakallahu fikum. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين